connais. Tu sais, quand je m'assieds et me lève, tu pénètres de loin ma pensée et tu pénètres toutes mes voix. Tu sais, quand je m'assieds, toutes mes voix, oui, tu sais.